France Musique. All That Jazz. Aujourd'hui, Billie Holiday, 4e chapitre, ultime fêlure. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 25e épisode de cette émission. Aujourd'hui, nous abordons les dernières années de la vie de Billie Holiday. Elle nous a quittés en 1959 à l'âge de 44 ans seulement. Elle était née en 1915, on célèbre donc cette année le centenaire de sa naissance. Les dernières années de Billie Holiday sont évidemment les plus contrastées, les plus discutées. On navigue entre l'émotion la plus vive et la détresse la plus totale. Parfois, la voix trahit la chanteuse, parfois ses fêlures ajoutent à l'expressivité. Les amoureux de Billie se déchirent depuis un demi-siècle à propos de ses derniers enregistrements avec cordes. Nous en écouterons à la fin de cette émission. En attendant, nous reprenons le cours de notre feuilleton. Nous sommes au cœur des années Verve. C'est le label de Norman Granz. En réalité, l'étiquette Verve n'est fondée qu'en 1956, mais le producteur avait déjà ses propres catalogues, Clé, puis Norgran, qui seront ensuite réunis sous la même appellation. Nous sommes maintenant au printemps 1954. Billie est en studio à New York avec le trio du pianiste Oscar Peterson, Herb Ellis à la guitare, Ray Brown à la contrebasse. Ils sont rejoints par le trompettiste Charlie Shavers et le batteur Ed Shaughnessy. Billie n'avait pas un très bon souvenir de cette séance pour laquelle les musiciens seraient arrivés passablement ivres et surtout terriblement fatigués par une récente tournée au Japon dans le cadre du JATP, le Jazz at the Philharmonic. On peut trouver Billie trop sévère à l'écoute de cette version du vieux standard I Cried For You qui se termine sur un tempo doublé parfaitement maîtrisé par les différents protagonistes. I cried for you. Now it's your turn to cry over me. Every road has a turning, and that's one thing you're learning. But I found two eyes just a little bit bluer. I found a heart just a little bit truer. Turn to cry over me. I cried for you. Now it's your turn to cry over me. Every road has a turning, and that's one thing you're learning. I cried for you. Oh, what to be, but I found two eyes just a little bit bluer. I found a heart just a little bit truer. I cried for you. Now it's your turn to cry over me. I Cried For You, Billie Holiday en studio à New York le 14 avril 1954 avec Charlie Shavers à la trompette et Oscar Peterson au piano notamment. Quelques mois plus tard, le 3 septembre 1954, en Californie, cette fois-ci, Billy retrouve son ancien pianiste, Bobby Tucker, et la magie opère sur cette très jolie chanson composée en 1939 par Jimmy Van Heusen avec le parolier Johnny Mercer, I Thought About You. On admire autant le phrasé de Billy Holiday que la subtilité de l'accompagnateur. Took a trip on the train, and I thought about you. I passed a shadowy lane, and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream. Moon shining down on some little town end with each beam. Same old dream. At every stop that we made, oh, I thought about you. But when I pulled down the shade, then I really got blue. I peeked through the crack and looked at the track, the one going back to you. And what did I do? I thought about you, thought about you, thought about you. I Thought About You, les retrouvailles de Billie Holiday avec son ancien pianiste Bobby Tucker. C'était le 3 septembre 1954 à Los Angeles dans les studios Capitol. Les séances suivantes pour le producteur Norman Granz offrent encore quelques pépites, particulièrement lorsque les paroles des chansons semblent épouser les soubresauts de la vie de la chanteuse. Billie Holiday s'investit pleinement dans cette interprétation gravée le jour de la Saint-Valentin 1955. Elle est admirablement soutenue par le clarinettiste Tony Scott, le pianiste Billy Taylor et de nouveau le trompettiste Charlie Chavers. Cela s'appelle « Everything Happens to Me » et l'on comprend à la moindre inflexion du phrasé que Billy sait de quoi elle parle. « Black cats creep across my path until I'm almost mad. I must have roused the devil's wrath, 'cause all my luck is bad. I make a date for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing planes. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps. this, and every time I play this, my partner always drums. I guess I'm just a girl who never looks before she jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick and end despair. But now I just can't fool this head that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned. I sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me. My heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool this head that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. Telegraphed and phoned. I sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything Happens to Me, Billie Holiday en compagnie de Charlie Shavers, trompette, Tony Scott, clarinette, Billy Taylor au piano notamment. C'était le 14 février 1955. Les enregistrements réalisés par Billy pour Norman Granz ont été réunis au sein d'un coffret paru sous étiquette Verve. On y trouve aussi des documents passionnants, des extraits de répétitions en particulier, qui donnent des clés de compréhension sur la manière de Billy qui travaillait ses interprétations. On possède aussi, pour quelques séances, les différentes prises d'une même chanson, les faux départs, les dialogues avec la cabine de prise de son ou avec les autres musiciens. Ce n'est pas l'objet de cette émission de vous faire écouter tout ce matériel qui s'adresse avant tout aux chercheurs et aux inconditionnels, mais j'ai eu envie de vous en proposer un court extrait. Nous sommes le 23 août 1955. La veille, Billy a longuement répété avec son pianiste Jimmy Rolls, on en possède d'ailleurs un témoignage, et le lendemain, donc, tout le monde se retrouve en studio. Il y a le trompettiste Harry Edison, magnifique spécialiste de la sourdine, le saxophoniste alto Benny Carter, toujours très personnel en solo, le guitariste Barney Kessel, et puis la section rythmique avec aux côtés de Jimmy Rolls, le contrebassiste John Simmons et le batteur Larry Bunker. Écoutez bien, nous allons enchaîner une prise interrompue. On y entend Billie Holiday se plaindre du tempo trop lent, trop draggy, dit-elle. Et puis ensuite, on écoutera en entier la prise qui a été retenue pour la publication. Le thème est signé Duke Ellington, Prelude to a Kiss. If you are here, a song in blue, like a flower crying for the dew. I don't like that drag, it's too draggy. And you stop whispering, will you please? Get yourself straight. Dum, dum, dum, dum. Not too fast now. 20, wait, before we go, kill. Mm-hmm. Quiet, please. Hold it. 24:39, take 3. If you hear a song in blue, like a flower crying for the dew, that was my heart serenading you, my prelude to a kiss. And if you hear a song that grows from my tender sentimental, that was my heart trying to compose a prelude to a kiss. Though it's just a simple melody with nothing fancy, nothing much, you could turn it to a symphony, a Schubert tune with a Gershwin touch. Oh, how my love song gently cries for the tenderness within your eyes. My love's a prelude that never dies, a prelude to a kiss. Mm-hmm. simple melody with nothing fancy, nothing much. You could turn it to a symphony, a Schubert tune with a Gershwin touch. Oh, how my love song gently cries for the tenderness within your eyes. My love is a prelude that never dies. My prelude to Prelude to a Kiss, Billie Holiday, magnifiquement accompagné par le trompettiste Harry Edison, l'altiste Benny Carter, le pianiste Jimmy Rolls, le guitariste Barney Kessel. C'était le 23 août 1955. Un an plus tard, au cours de l'été 1956, Billie signe plusieurs séances qui témoignent d'une réussite inégale, son chant suivant une fois encore les méandres de sa vie personnelle. Mais le 14 août, elle retrouve Harry Edison, Jimmy Rolls et Barney Kessel, tandis que l'alto de Benny Carter laisse la place au ténor de Ben Webster. La voix de Billie, certes, a changé. Elle porte désormais pour toujours les stigmates de ses dépendances à la drogue et à l'alcool, ce qui accentue la correspondance étroite avec cet air lourd qu'évoque les paroles imaginées par Ted Koeller pour la mélodie de Harold Arlen, Ill Wind. Thank you. Airwind, une chanson écrite par Harold Arlen et Ted Keller pour le Cotton Club en 1934, reprise en août 1956 par Billie Holiday avec Ben Webster au ténor, Harry Edison à la trompette, Jimmy Rolls au piano, Barney Kessel à la guitare, Joe Mondragon à la contrebasse et Alvin Stoller à la batterie. France Musique. Vous écoutez All That Jazz aujourd'hui, quatrième et dernier chapitre de notre série Billie Holiday. Nous sommes toujours en 1956. Le 10 novembre, la chanteuse se produit dans le cadre prestigieux de Carnegie Hall à New York. C'est peut-être au cours de ce concert qu'elle livre la version la plus émouvante, la plus convaincante d'une chanson qu'elle co-signe avec le pianiste Herbie Nichols, Lady Sings the Blues, ce qui est aussi le titre de son autobiographie et le titre d'un de ses disques les plus célèbres. Ici, la voix de Billie est joliment sertie par la trompette de Roy Eldridge, le ténor de Coleman Hawkins et la guitare de Kenny Burrell. Lady sings the blues. She's got 'em bad. She feels so sad. Wants the world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues. She tells her sad, nothing to hide. Now all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart. When you get a bad start, you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry, and I know I won't die because I love him. Lady sings the blues, she's got a man, she feels so sad. But now the world will know she's never gonna sing 'em no more. No. Lady Sings the Blues en concert le 10 novembre 1956 sur la scène de Carnegie Hall à New York. Billy retourne en studio pour quelques séances au début du mois de janvier 1957. Ce seront les dernières gravures pour le producteur Norman Granz. Là encore, l'esprit, sinon la lettre du blues, est omniprésent. Voici par exemple Comes Love avec la même brochette de solistes de première classe, Harry Edison, Ben Webster, Barney Kessel et Jimmy Rolls. On your feet comes a snowstorm, you can get a little heat. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can buy another shoe. Comes love, nothing can be done. Don't try hiding, 'cause there isn't any use. You'll start sliding when your heart turns on the juice. Comes a headache, you can lose it in a day. Comes a toothache, see your dentist right away. Comes love, nothing can be done. Chase it with a broom. Comes love, nothing can be done. That's all, brother. If you've ever been in love, that's all, brother. You know what I'm speaking of. Comes a nightmare, you can always stay away. Comes depression, you may get another break. Comes love, nothing can be done. Comes Love, Billie Holiday avec Harry Edison, Ben Webster, Jimmy Rolls, Barney Kessel, le 4 janvier 1957. C'est encore le blues qui préside quelques mois plus tard à l'une des plus belles images de l'histoire du jazz, celle qui voit réunie devant les caméras de la télévision américaine un splendide All Stars aux côtés de Billie Holiday qui chante son propre Fine and Mellow. Le disque paru sous le titre de l'émission The Sound of Jazz présente en réalité des prises enregistrées en répétition quelques jours plus tôt. Mais pour l'image, le 8 décembre 1957, le miracle est entier. Se succède en soliste, après une introduction collective et une première intervention de Billy, le ténor vibrant de Ben Webster, l'autre ténor divinement aérien de Lester Young, qui retrouve ici sa chère Lady Day, et puis, après une nouvelle intervention de Billy, le trombone de Vic Dickinson, le baryton de Jerry Mulligan en tempo doublé, de nouveau Billy, et enfin, le ténor de Coleman Hawkins et la trompette de Roy Eldridge, excusez du peu. My man don't love me. He treats me oh so mean. He don't love me. He treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. can gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong. Fine and Mellow, Billie Holiday avec Ben Webster, Lester Young, Vic Dickinson, Jerry Mulligan, Coleman Hawkins et Roy Eldridge. Sans oublier Mal Waldron au piano, c'était le 8 décembre 1957 pour la télévision américaine. En février de l'année suivante, en 3 séances sur 3 jours consécutifs, Billie Holiday enregistre une 12aine de chansons d'amour avec la complicité de l'arrangeur Ray Ellis, qui a réuni pour elle un orchestre particulièrement soyeux où les cuivres côtoient les flûtes, la harpe et les cordes. L'album, qui paraîtra sous le titre de Lady in Satin, s'ouvre sur I'm a Fool to Want You et se referme avec The End of a Love Affair. Je vous propose d'écouter ces 2 titres enchaînés. You'll Be Green y tient la partie de trombone solo. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you, time and time again, I went away, but then would come the time when I would need you. And once again, these words I'd have to say, I'm a fool to warn you, pity me, I need you, I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along with I can't get along without you. Too fast, and I drive a little too fast, and I'm reckless, it's true, but what else can you do at the end of a love affair? So I talk a little too much, and I laugh a little too much, and my voice is too loud when I'm out in a crowd, so that people have to stare. Do they know, do they care that it's only that I'm lonely and low as can be, and the smile on my face isn't really a smile at all? So I smoke a little too much, and I joke a little too much, and the tunes I request are not always the best, but the ones where the trumpets blare. So I go at a maddening pace, and I pretend that it's taking its place. But what else can you do at the end of a love affair? The End of a Love Affair, précédé de I'm a Fool to Want You, deux extraits du disque Lady in Satin, gravé en février 1958 par une Billie Holiday déjà très fatiguée vocalement et physiquement, mais soutenue ici par le grand orchestre à cordes de Ray Ellis. Ray Ellis qu'elle retrouve un an plus tard, en mars 1959, pour un tout dernier disque. Elle entrera à l'hôpital le 31 mai pour s'éteindre le 17 juillet de la même année. Baby, won't you please come home? 'Cause your mama's all alone. I have tried in vain. Never no more to call your name. When you left, you broke my heart. Because I never thought we'd part. Every hour in the day, you will hear me say, baby, won't you please come home? Never no more